بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du livre Le Sharh de Riyad al-Salihin du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et on est toujours dans le premier chapitre du livre, le chapitre sur Al-Ikhlas, la pureté, la sincérité de l'intention. Et on a expliqué au dernier cours un hadith qui est le hadith 9. Et c'est le hadith rapporté selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, quand il a posé la question au messager d'Allah, qui yani, l'homme qui combat pour montrer son courage, l'homme qui combat par fierté, hein, l'homme qui combat par ostentation, pour se montrer. Lequel d'entre ceux-là combat pour le sentier d'Allah ou dans le sentier d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on a parlé de ce sujet-là au dernier cours. Et on a expliqué à la fin du dernier cours les deux expressions qui sont propagées souvent chez les gens. Le fait d'appeler ou à combattre pour le nationalisme. Et on a expliqué que celui qui combat pour le nationalisme, il ne combat pas pour l'islam, il ne combat pas pour Allah. Et que le nationalisme en soi, ça fait partie des formes de la jahiliya, c'est-à-dire les appels de l'ignorance pré-islamique. Et donc, le musulman, lorsqu'il combat, il ne faut pas qu'il combatte pour une ethnie, une langue, un morceau de terre, pour de l'argent, ou pour la dunya, ou bien pour des choses futiles comme celle-là. Mais plutôt, s'il combat, il doit combattre pour élever la parole d'Allah. Et il expliquait que, par exemple, si des koufars dans les pays musulmans, ils ont pris certaines terres ou certains pays des pays musulmans, comme la Palestine, les juifs ont pris la Palestine ou des choses comme ça, eh bien, il dit, c'est malheureux qu'à notre époque, les musulmans, au lieu d'appeler les musulmans à reprendre leurs terres au nom de l'islam et pour l'islam, eh bien, ils le font au nom de l'arabisme, hein, et du panarabisme, hein, ou des choses de ce genre. Donc, il a expliqué, le cheikh, que ça, c'est une des sources de notre faiblesse et une des raisons pourquoi on n'a pas de succès dans ce genre de sujet ou dans ce genre de questions. Et ce n'est pas seulement spécifique au nationalisme arabe, mais ça a rapport avec toutes les autres formes de nationalisme qui peuvent exister. C'est-à-dire que tu peux trouver, par exemple, en Afrique, des gens qui appellent à ce genre de choses. Hein? Le panafricanisme. Hein? Ou bien en Inde, la même chose. Et la même chose aussi, tu peux trouver dans d'autres pays asiatiques. Et c'est quoi cette da'wah? C'est de dire, l'important, c'est qu'on soit tous des Arabes, ou qu'on soit tous des Africains, ou qu'on soit tous des Indiens. Peu importe notre religion. Hein? Et ils vont dire, par exemple, eh bien, l'Africain qui est, celui qui est Africain, si on est des Africains, donc, on est ensemble à cause du fait qu'on est Africain, et c'est ça qui nous unit. Et ceux qui ne sont pas Africains, hein, ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas nos frères, même s'ils sont musulmans, et même si les Africains sont des non-musulmans, ils sont avec nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent et ils placent le lien de l'ethnie ou de l'origine ou de la patrie, ils mettent ça au-dessus de la foi, au-dessus des liens de la foi. Hein, c'est comme, par exemple, si des frères qui sont haïtiens musulmans, qui s'unissent entre eux, ils vont dire, nous, on est des haïtiens, on va s'unir ensemble parce qu'on est haïtiens, et ceux qui sont musulmans, mais qui ne sont pas haïtiens, on ne les accepte pas. Ou bien on ne travaille pas avec eux. Puis, ceux qui sont des koufars haïtiens, on va les inclure aussi parce qu'ils sont des haïtiens. Et on va s'associer avec eux. Donc ça devient quoi? Ça devient de la jahiliya. Hein? Et l'islam, il n'accepte pas ce genre de choses-là. Si on s'unit, on s'unit sur la foi. Puis on ne tient pas compte par la suite de l'origine de la personne, de la couleur de la personne, de la langue de la personne, de l'ethnie de la personne. Est-ce que c'est un Chinois? Est-ce que c'est un Italien? Est-ce que c'est un Africain ou autre? Peu importe. Blanc, noir, jaune, rouge, peu importe. Si tu es musulman, c'est ça l'important, tu es notre frère. Et on est ton frère en islam. Et si tu es d'une autre, si tu es de la même origine que moi, ou la même origine que lui ou qu'un autre, mais que tu n'es pas croyant, tu n'es pas un mu'min, tu n'es pas un musulman, tu n'es pas mon frère. Même si on est du même père et de la même mère. Parce que mon vrai frère, c'est celui qui croit en Allah. Et même si tu as le même père que moi, la même mère que moi, mais tu ne crois pas en Allah, le lien que j'ai avec mon frère en croyance, mon frère dans la religion, il est plus fort que le lien que j'ai avec mon propre frère de même père et de même mère. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça la réalité. Donc toutes ces idées aujourd'hui que les koufars, ils propagent dans les pays musulmans et qu'ils ont commencé à propager depuis le début du siècle passé pour appeler les musulmans à devenir nationalistes, hein, ils poussent chez les Arabes le nationalisme arabe. Ils vont chez les Turcs, ils poussent le nationalisme turc. Et après, ils poussent les musulmans turcs contre les musulmans arabes. Et les musulmans arabes, ils disent aux chrétiens arabes, on est arabes, donc on est ensemble, contre les autres. Et ils vont voir, tout ça pour diviser les musulmans. Hein? Et donc, on a expliqué au dernier coup que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et l'autre expression, c'était le combat pour la patrie, hein, pour le drapeau, pour défendre le territoire. Mais le cheikh, il dit, si tu combats pour ton terrain ou pour ton pays, tu ne dois pas faire ça en sorte que ce soit un combat juste pour le territoire seulement. Mais pour protéger les mosquées et la religion qui est présente sur dans ce pays-là. Donc là, dans ce cas-là, ça devient légiféré, ça devient correct. Mais si tu combats seulement pour la terre, cette terre-là, elle n'a pas plus de valeur que les autres. Hein? Et comme le cheikh, il disait, si toi, tu combats pour ta terre seulement, eh bien, le kafir, lui aussi, il combat pour sa terre. Donc, il n'y a pas de différence dans ce cas-là entre toi et le kafir. Parce que le kafir aussi va défendre sa terre. Hein? Et ça, c'est quelque chose même qui est fitri. Même un animal, si tu attaques son habitat ou l'endroit où il est habité, même des abeilles, tu vas aller jouer avec une ruche d'abeilles, ils vont te piquer, ils vont te sauter dessus. Hein? Puis c'est des animaux. Donc si c'est le cas ça, pour des bêtes, des animaux, et des créatures et des insectes, alors ça n'a pas de mérite supérieur. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la réalité du combat dans l'islam, ça doit être uniquement pour la foi et pour élever la parole d'Allah et non pas pour les raisons futiles pour lesquelles beaucoup de gens aujourd'hui prétendent vouloir faire le djihad. Ensuite, le cheikh, il dit وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنسَانَ الَّذِي يُدَافِعُ عَنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ. Oui, on était rendu là. Le cheikh, il dit وَمَا يَذْكُرُ مِنْ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب حب الوطن وإن كان إسلاميا فهذا تحبه لأنه إسلامي ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد عن بلاد المسلمين كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه وعلى كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي لا لمجرد الوطنية. Donc le cheikh il dit, certains ils mentionnent un hadith. Et ce hadith là c'est un hadith qui est fabriqué. Il n'y a aucune authenticité et il n'y a aucune source pour ce hadith là dans les livre de hadith authentique, et ça dit que l'amour de la patrie, ça fait partie de la foi. Donc ça, c'est batil, complètement faux. Et celui qui attribue cette parole-là au messager d'Allah, il lui attribue un mensonge. Et le cheikh, il dit que donc d'aimer la patrie, si c'est une patrie qui est musulmane, donc tu l'aimes parce qu'elle est musulmane. Sinon, il n'y a pas de différence entre ta patrie ou l'endroit où tu es né ou d'autres endroits parmi les pays musulmans. Hein? C'est-à-dire que tous les pays musulmans, tu devrais les aimer parce que c'est des pays musulmans, même si ce n'est pas ton pays musulman à toi. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans comme ça, ils vont aimer leur drapeau, aimer leur pays. Hein? Et même tu les vois, par exemple, quand il y a des matchs, des matchs de foot, et que leur équipe gagne, ils sortent dans la rue avec les drapeaux, puis ils font des parades dans la rue, ils font du bruit, ils cassent tout, puis ils bloquent les chemins. Tu vois comment ils s'excitent uniquement juste pour un jeu de ballon. Quelque chose qui est super, il y en a tellement futile. C'est-à-dire, c'est de ça qu'ils tirent une fierté, hein, d'avoir joué avec un ballon, puis d'avoir gagné dans ce genre de choses futiles. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune fierté là-dedans. Hein? À la limite, c'est peut-être même le contraire. C'est une honte, hein, de chercher de la fierté dans ce genre de choses. Mais de toute façon, c'est juste pour dire, il y en a même qui vont dénigrer les pays musulmans des autres. Et ils vont même se moquer des musulmans des autres pays. Et ils vont glorifier ou parler en bien de leur pays. Ils vont... Et nous, on est meilleurs que les autres, on est comme ci, on est comme ça. Ça aussi, ça fait partie de la jahiliya. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a décrit les gens qui agissent de cette manière-là, il a dit, « Da'ouha fa'innaha muntina ». Muntina. Ça veut dire quoi, muntina? Ça veut dire que c'est quelque chose qui sent mauvais, ça pue. Laisse ça. Hein? Laissez ça. Ça pue, cette jahiliya. Le fait d'appeler à chacun à son tribalisme, hein, chacun défend sa tribu, chacun défend sa patrie, sa contrée, son drapeau. Hein, juste parce que toi, ton drapeau, il est rouge, l'autre, il est jaune, l'autre, il est vert, l'autre, il est bleu. On est tous musulmans, c'est ça l'important. Et on est tous des frères en islam parce qu'on croit en Allah et en son messager et on a accepté le tawhid. Et la ilaha illallah, ça suffit pour nous unir. Donc, comment on va accepter de se diviser et de se disputer à cause d'un jeu de ballon? Même il y a eu dans certains pays des gens qui se sont même frappés, qui se sont même battus quand il y a eu des matchs. Hein? Même il y a eu des gens qui sont morts. Naam, dans certains cas. Tout ça, c'est quelque chose que Allah déteste, il n'y a pas de doute. Et l'unité entre les musulmans et l'amour entre les musulmans, c'est une obligation dans l'islam. Ce n'est pas recommandation seulement. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé de s'unir et de s'aimer et d'être ensemble sur la vérité. C'est une obligation, c'est wajib. Et de se diviser, hein, ça c'est haram, c'est un péché. Hein? Et ça implique que tout ce qui peut être une cause pour la division et tout ce qui peut être une cause pour que les musulmans se divisent, devient haram aussi. Parce que tout, comme les ulama ils disent, yani, toute chose qui amène à quelque chose de haram, il devient haram aussi. Et donc, toute chose qui amène à la division des musulmans, ou qui est une cause dans la division des musulmans, alors c'est quelque chose qui est interdit aussi. Et donc, toutes ces choses, le nationalisme, ou chauvinisme, ou toutes ces formes de fierté mal placée, tout ça c'est la même chose. Après, le cheikh, il dit, donc, de toute façon, il dit, il faut savoir que l'intention correcte dans ton cœur par rapport au combat, si tu vas combattre, il faut que ce soit pour Allah et pour l'islam qui est présent dans le pays musulman dans lequel tu es. Et non pas uniquement pour défendre la patrie ou la contrée ou seulement pour le nationalisme. Hein? Parce que les koufars, eux, c'est ça qu'ils font. Ils ont un pays avec des frontières et un drapeau, et eux, ils vont se battre uniquement pour ça. Hein? Et à la limite, dans le passé, ils se battaient pour agrandir leur territoire seulement et pour avoir plus de terres. Tandis que les croyants, hein, ils se battent pour étendre l'unicité, le tawhid, et la foi en Allah et établir l'adoration d'Allah sur terre et éliminer hein, toute forme de shirk qui existe dans le monde. Donc, ça c'est le but du combat pour le croyant. Ensuite, le cheikh, il dit وَأَمَّا قِتَالُ الدِّفَاعِ أي لو أن أحدا صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلا فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, tandis que si tu vas combattre dans le but de te défendre, soit par exemple quelqu'un qui vient t'attaquer chez toi, hein, par exemple quelqu'un qui rentre chez toi pour t'attaquer ou pour prendre tes biens ou pour attaquer l'honneur de ta famille. Il dit, alors dans ce cas-là, tu vas combattre cette personne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de le faire. Et il dit, فَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْإِنسَانُ وَيَقُولُ اِعْتِنِي مَالَكَ قَالَ لَا تُعْتِهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ إِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ لِأَنَّهُ مُعْتَدٍ ظَالِمٌ حَتَّى وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا إِذَا جَاءَكَ الْمُسْلِمُ يُرِيدُ أَنْ يُقَاتِلَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ بَلَدِكَ أَوْ مِنْ بَيْتِكَ فَقَاتِلْهُ إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَإِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ لَا تَقُلْ أَقْتُلْ مُسْلِمًا هُوَ الْمُعْتَدِي لَوْ كَتَّفْنَا أَيْدِيَنَا أَمَامَ الْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَلَا دِينًا لَكَانَ الْمُعْتَدُونَ لَهُمُ السُّلْطَةُ وَلَا أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ولذلك نقول هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب قتال الطلب معلوم أنني لا أذهب أقاتل مسلما أطلبه ولكن أدافع عن مالي ونفسي وأهلي ولو كان مؤمنا مع أنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وَمَالِهِ أَبَدًا. Donc ici, le cheikh, il explique un point très important. Il dit, en ce qui concerne le fait de se défendre, il dit des fois, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, il vient vers moi, puis, hein, avec une arme ou quelque chose, il me dit, donne-moi ton argent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne lui donne pas ton argent. Il dit, et vois-tu s'il veut me combattre pour le prendre? Il a dit, dans ce cas-là, combat-le. Il a dit, oui, mais vois-tu hein, qu'il me tue? S'il me tue, qu'est-ce qui arrive? Il a dit, s'il te tue, tu seras martyr. Il a dit, et vois-tu si moi je le tue? Hein? Il a dit, si toi tu le tues, alors lui, il sera en enfer. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim, c'est un hadith authentique. Il dit pourquoi? Le cheikh, il dit parce que c'est une personne qui transgresse. Et c'est une personne qui est injuste. Il dit même si la personne en question est un musulman. C'est-à-dire que même si la personne qui vient pour prendre ton argent, pour te voler, c'est un musulman. Hein? Parce qu'il y avait souvent, il y a eu cette question-là de la part de certaines personnes qui disait par exemple, dans certains pays, hein, il y a eu des khawarij, par exemple, qui ont attaqué des pays musulmans, ou qui ont attaqué des musulmans. Et ils ont demandé, ou ils ont eu l'aide des koufars pour combattre ces khawarij-là. Alors certains, ils ont dit, « Ah, mais comment ça se fait que vous utilisez l'aide des koufars contre des musulmans ?» Et le cheikh, il explique en fait ici indirectement cette question-là. Il dit, s'il y a un musulman qui vient pour transgresser contre toi puis te faire du mal ou bien pour voler ton argent, ou pour te faire de l'injustice. Il veut te faire sortir de ta maison, ou il veut te faire sortir de ton pays. Alors dans ce cas-là, tu as le droit de te défendre et tu as le droit de le combattre. Et s'il te tue, tu seras martyr. Si tu le tues, il sera en enfer, même si c'est un musulman. Hein? Parce que tu ne vas pas dire, « Ah, c'est un musulman, je vais le laisser faire qu'est-ce qu'il veut. » Non. Hein? Une personne injuste, peu importe qu'est-ce qu'elle est, peu importe qu'elle soit hein, un croyant ou non, tu dois te défendre. Tu dois empêcher cette personne de faire cette injustice-là si tu peux. Et donc, yani, ça c'est un exemple dans lequel le musulman, il a le droit de combattre un autre musulman, même si c'est un musulman, il doit le combattre parce que c'est un transgresseur et c'est un injuste. Et donc, si par exemple, c'est la même chose si tu es dans la rue, puis il y a un musulman qui est un criminel, un musulman qui est criminel, il ne respecte pas sa religion, il ne craint pas Allah, il vient pour te prendre ton argent ou il vient pour t'attaquer, et il y a un policier kafir qui est de l'autre côté, tu dis au policier, agent, hein, monsieur l'agent, venez m'aider, il y a un gars qui veut me voler. Tu ne vas pas dire, ah, mais puisque c'est un musulman, je ne vais pas appeler la police ou je ne vais pas appeler le kafir pour combattre ce musulman-là. Pourquoi? Parce que c'est un musulman, mais si lui, il respectait l'islam, tu n'aurais pas eu besoin d'aide contre lui. Mais le fait qu'il ne respecte pas sa religion, tu as le droit de prendre l'aide. Hein? Et même si c'est un musulman qui prie ou qui fait qui pratique sa religion, mais qui décide de faire de l'injustice, tu as le droit de demander l'aide de quelqu'un, peu importe qui c'est. Et toi, tu n'appelles pas ce kafir parce que tu aimes sa religion ou sa mécréance. Tu l'appelles parce que tu veux hein, établir la justice, puis tu veux protéger tes biens et ta personne. Donc, dans ce cas... Hein? Oui. Exactement. Ça a pas, c'est, eux, ils essaient d'utiliser ça en voulant dire, nous, on est des musulmans, donc pourquoi vous prenez des koufars pour nous combattre? Eh bien, dans ce cas-là, vous, pourquoi vous agissez? Vous faites, qu'est-ce que vous faites? C'est pire que qu'est-ce que les koufars font. Hein? Donc, nous, on se protège contre vous. Si on est capable de vous combattre sans l'aide des koufars, on va le faire. Mais si on est dans une situation où on a de la difficulté, on n'est pas capable, dans ce cas-là, si les koufars nous aident à les combattre, et souvent les koufars, c'est eux qui les ont aidés justement en arrière, c'est eux qui les ont armés ou qui les ont financés, à la kullihal, s'ils décident qu'ils veulent aider les musulmans pour combattre ces groupes de transgresseurs, eh bien dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a pas d'interdiction à ça. Il y a des ulama qui ont donné des fatwas sur ce sujet-là, pas aujourd'hui, pas en l'an 2000, hein? depuis peut-être 1000 ans en arrière et même plus que ça, depuis l'époque des imams, des madhahib, ils ont donné des fatwas sur ce sujet-là, c'est pas nouveau. Oui, dans les annulatifs de l'islam, il y a le fait d'aider des koufars contre des musulmans. Ou de prendre l'aide des koufars contre des musulmans, ça c'est quelque chose qui annule l'islam. Mais eux, ils ne comprennent pas que le contexte et la situation comment, par rapport à cet annulatif de l'islam, il est tout à fait différent. Parce qu'on parle ici du fait que des musulmans prennent l'aide des koufars contre des musulmans parce qu'ils sont d'accord avec la croyance ou le shirk de ces koufars-là. Et il est en accord avec eux et il accepte leur kufr et leur shirk et il aide les koufars contre les musulmans, comme les munafiqin. Et ça, c'est clair que c'est du kufr. Mais si quelqu'un, il se fait attaquer par des gens qui sont musulmans et que lui, il n'est pas capable de les repousser tout seul et il demande l'aide des koufars pour l'aider, pour les repousser parce que eux, c'est des transgresseurs ou des injustes, alors dans ce cas-là, ce n'est pas du kufr. Hein? Oui, il y avait eu cette histoire-là dernièrement. Oui, ça, c'est un autre exemple aussi. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui existe même dans les règles de fiqh que les ulama, ils ont mentionné. Si tu peux, si par exemple, il y a des gens qui ont, par exemple, ce qu'on appelle des mercenaires. Hein? Des mercenaires ou bien des gens qui sont des armées que tu peux acheter. Ils vont combattre, si tu les payes, ils vont combattre pour toi. Comme des commandos ou bien des armées, n'importe quel type d'armée. Et tu les payes, eux, ils n'ont pas un, un, un, un pays ou une patrie ou quelque chose. Eux, ils travaillent pour celui qui le paye. Hein? Donc, ces gens-là, par exemple, si par exemple tu as besoin de leur service, tu les payes, ils vont combattre celui que tu leur demandes. Et eux, ils sont entraînés pour faire ça. Donc, ils les payent pour faire un travail, ils font le travail et puis c'est fini après. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'ils sont des koufars qu'on les a engagés, mais c'est parce qu'eux, c'est des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et on les paye et ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire et après c'est fini. D'accord? Donc, à la kulli hal, yani les khawarij, ils ont jeté beaucoup de shubuhat à ce sujet-là. Mais l'important, c'est de comprendre le principe, comme le cheikh il l'explique ici. Il dit, si le musulman, il est transgresseur, il veut te voler, il veut prendre tes biens, tu le combats. Et il dit, tu ne vas pas dire, comment je vais tuer un musulman? Le cheikh, il dit non, parce que c'est un transgresseur. Si on croise nos bras devant les transgresseurs comme ça et les injustes, qui n'ont aucun respect, ni pour les croyants, ni pour l'engagement, ni pour la religion, et on les laisse faire ce qu'ils veulent, ça veut dire que c'est les transgresseurs qui vont avoir le pouvoir sur la terre et qui vont faire le désordre sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et il dit, c'est pour cette raison-là que, hein, on dit ça. Et il dit, si la question ici, il faut la distinguer du cas où on combat, par exemple, les ulama, ils ont divisé le combat en deux catégories. Le combat qui est pour la défense et le combat qui est offensif. Et il dit, ici c'est différent. Un combat offensif, c'est connu qu'on ne va pas partir combattre un musulman. Mais si on est en train de se faire attaquer, quelqu'un veut prendre nos biens, quelqu'un veut prendre notre vie, quelqu'un veut attaquer nos familles, même si c'est une personne qui est croyante. Et il dit, et malgré ça, c'est pas concevable, hein, ou c'est pas possible que quelqu'un soit un croyant et qu'il ait la foi réelle, puis qu'il se permette d'attaquer un musulman sans raison comme ça. Hein, ça, c'est inconcevable. Hein? Mais si jamais ça, c'est quelque chose, une chose comme ça se produisait, eh bien, il dit, si jamais il veut t'attaquer, prendre tes biens, attaquer ta famille ou des choses comme ça, tu ne dois pas le laisser. Hein? Tu dois te défendre. Et il dit, « وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقُ وَقِتَالُهُ كُفْرُ لا إيمان لإنسان يقاتل المسلمين إطلاقا فإذا كان الرجل قد فاقد الإيمان أو ناقص إيمان الإيمان أو ناقص الإيمان فإذا كان الرجل فاقد الإيمان أو ناقص الإيمان فيجب أن نقاتله دفاعا عن النفس وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله وقال وإن قتلته فهو في النار وقال وإن قتلك فأنت شهيد والحاصل أن هناك قتالين قتالا للطلب أذهب أنا أقاتل الناس مثلا في بلادهم وهذا لا يجوز إلا في شروط معينة. Donc ici le cheikh il explique que يعني, c'est pour cette raison là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit d'insulter un musulman, c'est une perversité. C'est un grand péché. Il dit, et de le combattre, c'est la mécréance. C'est de la mécréance. Hein? C'est du kofr. Ça veut dire que c'est un péché tellement grave qu'il l'a appelé kofr. Mais ça ne veut pas dire que si un musulman combat un autre musulman, qu'il sera kafir. Mais c'est un grand péché parmi les péchés qu'il a appelé kofr. Hein? Dans le sens que c'est un kofr d'un kofr. Un kouf mineur, une forme de mécréance mineure. Et le cheikh, il dit donc, le musulman, il ne va pas du tout combattre d'autres musulmans, ce n'est pas possible. Mais si jamais il a perdu la foi, ou bien sa foi, elle a baissé, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour nous de le combattre pour se défendre. Hein? Et ça, c'est une obligation, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, combat-le. Et il dit, et s'il te tue, il sera en enfer, et si toi, tu le tues, eh bien, tu seras martyr. Et quand il dit, si tu le tues, si il te tue, il sera en enfer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il sera mécréant, ou qu'il sera pour l'éternité en enfer. Parce que s'il était mort sur le tawhid, on sait qu'il ne sera pas en enfer pour l'éternité, même s'il entre. Hein? Celui qui meurt sur un grand péché, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui faire miséricorde, il peut lui pardonner. Et si Allah veut le punir, il va le châtier en enfer pour un certain temps. Mais du moment qu'il est mort sur le tawhid et qu'il n'a pas fait de shirk majeur ou de kouf majeur, il sortira tôt ou tard de l'enfer. Combien de temps? On ne sait pas. Mais il ne va pas y demeurer pour l'éternité. Ceux qui restent en enfer pour l'éternité, ce sont uniquement les mouchriquins qui ont fait du shirk majeur et les kuffars qui ont fait un kouf majeur. Et sinon, en dehors de ça, il y aura des musulmans en enfer qui ont commis des péchés, hein, que Allah nous en protège, mais ils ne resteront pas éternellement en enfer. D'accord? Il n'y a pas de croyants qui vont rester en enfer. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah va faire sortir de l'enfer tout musulman, même s'il avait juste le poids d'une graine de moutarde de foi. Même s'il avait juste le poids d'une graine de moutarde de foi, il va sortir tôt ou tard de l'enfer. Non. Donc ça, c'est un point important à comprendre. Les versets et les hadiths qui parlent des menaces de l'enfer doivent être compris de cette façon-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, c'est quoi le verset? فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Non, c'est pas ça. Attends, le verset. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché moindre que le shirk. D'accord? Ça, c'est un verset qui est un pilier, un fondement dans la compréhension de la religion de l'islam et du tawhid. Donc ça, c'est très, très important de le comprendre. Après, le shaykh, il dit, na'am, donc, en résumé, pour comprendre, il faut savoir qu'il y a deux sortes de combats. Le combat offensif, lorsque toi, tu vas, par exemple, pour combattre les koufas dans leur pays, et il dit ça, c'est pas permis, excepté avec des conditions bien spécifiques. Hein? Et parmi ces conditions-là, il faut avoir la capacité. Il faut avoir la capacité, la force et le nombre, et ainsi de suite. Il faut que ce soit avec le dirigeant. Il y a plein de conditions à ce sujet-là. Et il y a l'autre forme de combat qui est le combat défensif. Et le cheikh, il dit, « مثلاً قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان وهو ليس من أركان الإسلام وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذنوا لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام وإذا تركوا صلاة العيد وقالوا لا نصليها لا في بيوتنا ولا في الصحراء يجب أن نقاتلهم حتى لو فرض أن قوما حاجون وقالوا هل الآذان من أركان الإسلام قلنا لا لكنه من شعائر الإسلام فنقاتلهم حتى تؤذنوا نقاتلكم حتى تؤذنوا إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين وجب علينا أن نصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة ولكن هناك فرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب الطلب ما نطلب إلا من أباح الشارع قتاله أما الدفاع فلا بد أن يدافع والحاصل أنه لا بد من تصحيح النية ونرجو منكم أن تنتبهوا أو تنبهوا على هذه المسألة لأننا نرى في الجرائد والصحف الوطن وليس فيها ذكر للإسلام وهذا نقد عظيم يجب أن توجه الأمة إلى المنهج والمسلك الصحيح ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى Donc ici, le cheikh, il termine en disant que les ulama, ils ont dit, par exemple, que si les gens d'une ville, hein, ou d'un village délaissent le adhan, hein, s'il y a un groupe qui délaisse le adhan, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Naam. Donc le cheikh, il dit, supposons que il y a un... Barakallahu fik. Supposons qu'il y a un village, hein, musulman, dans un pays musulman, puis ce village-là, eux, hein, ils disent, nous, on fait plus l'adhan dans nos mosquées, dans cette ville-là, ou dans ce village-là. On fait plus l'adhan. Donc, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour le dirigeant de combattre cette ville-là, parce qu'ils ont abandonné un des rites, parmi les rites de l'islam. Et il dit, par exemple, si une ville, ils disent, nous, on ne fait plus la salat d'Aïd. On arrête de prier la salat d'Aïd. On ne va pas prier ni chez nous, ni ailleurs. Il dit, dans ce cas-là, c'est obligatoire de les combattre. Et supposons que... Tu peux laisser la porte ouverte, musulman. C'est pas grave. Hein? Supposons qu'il y a des gens qui veulent argumenter avec nous, débattre avec nous, ils vont dire, ouais, mais c'est pas parmi les piliers de l'islam, le salat al-Eid. C'est pas une obligation. Hein? Le adhan, ils vont dire, ah, c'est pas un pilier de l'islam. Le cheikh, il dit, même si c'est pas un pilier de l'islam, ça fait partie des rites de l'islam. Et donc, si vous ne le faites pas, si vous faites pas le adhan, on va vous combattre. Et il dit, si par exemple deux groupes de musulmans sont en train de se combattre l'un l'autre, c'est obligatoire pour nous d'essayer de faire la réconciliation entre les deux. Et si après avoir fait des efforts pour faire la réconciliation, un des deux continue à vouloir combattre l'autre, alors dans ce cas-là, on est obligé de combattre celui qui continue et qui veut transgresser, même si ce sont des croyants. Ça, c'est mentionné dans Surat al-Hujurat. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Donc tout ça, ça veut dire que le fait que quelqu'un soit, un groupe soit des croyants, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les combattre. Dans certains cas, oui, c'est permis de le faire. Mais le cheikh, il dit, c'est important de distinguer dans les situations du combat pour la défense et le combat offensif. Il dit, si c'est un combat offensif, on n'a pas le droit de combattre, excepté celui que Allah nous a permis de combattre. Tandis que s'il s'agit de la défense, eh bien là, dans ce cas-là, il faut se défendre, hein, de toutes les manières. C'est-à-dire, quand je dis de toutes les manières, ça veut dire, peu importe celui qui nous attaque, on doit se défendre, que ce soit un croyant ou non. Et le cheikh, il dit, al-hasil, donc pour résumer tout ça, il faut corriger notre intention dans toutes les actions qu'on fait pour que notre action soit uniquement pour Allah. Il dit, on espère que vous allez porter l'attention sur ce sujet, parce qu'on voit beaucoup de choses dans les journaux et dans les magazines. On entend parler de, hein, al-watan. Al-watan, al-watan, ça veut dire quoi? Ça veut dire la patrie. Hein? La patrie. Hein? Défendre la patrie, se battre pour la patrie, hein? Et toute la patrie. Ça. Le cheikh, il dit ça, là. C'est grave parce qu'ils disent la patrie, mais ils ne parlent pas de l'islam. Et ça, ils disent, c'est en contradiction, une grande contradiction avec, hein, la façon qu'est-ce qui est obligatoire pour la Ummah de suivre le chemin que la Ummah doit prendre, qui est la voie correcte, c'est-à-dire de faire en sorte que tout ce qu'on fait soit pour élever la parole d'Allah et non pas pour uniquement une fierté nationaliste ou des choses de ce genre. Regardez qu'est-ce que le nationalisme a amené en Europe. Quand des gens ont commencé à mettre en avant la patrie et l'origine, hein, et l'ethnie ou la race ou la couleur avec le parti nazi, le parti fasciste en Italie et en Allemagne avec Hitler et Mussolini et Franco en Espagne. Toutes ces choses-là, c'est la même chose. C'est l'origine de ça. C'est l'asabiyya, hein, le fanatisme pour la nation, pour la patrie, pour la langue, pour la couleur, pour la race aryenne, hein, la race aryenne, la race supérieure. Hein? Donc celui qui amène ces idéologies-là, c'est qui? C'est le shaitan à l'origine, parce qu'il veut diviser les êtres humains et il veut diviser les croyants aussi. Donc même ceux-là aujourd'hui qui appellent à nationalisme, hein, peu importe, que ce soit nationaliste français, nationaliste allemand, nationaliste québécois, nationaliste africain, nationaliste chinois, nationaliste, peu importe, ils sont tous pareils, ces gens-là. Toute la même origine de la pensée, de croire qu'ils sont supérieurs ou meilleurs que les autres, parce qu'ils viennent d'un endroit ou d'un lieu géographique, ou qu'ils parlent une langue différente des autres, ou parce qu'ils ont une couleur différente des autres, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ça vient du shaitan. Et nous, dans l'islam, on n'a pas le droit de croire en ce genre de choses-là. Et ça, c'est à rejeter. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends des koufars qui parlent de l'islam puis qui disent que les musulmans sont des fascistes, alors que l'islam rejette complètement le racisme ou le nationalisme, et que tous les croyants, peu importe leur origine, ils sont tous égaux devant Allah. Et qu'il n'y a pas de supériorité pour l'arabe sous le non-arabe ou pour le blanc sous le noir, excepté par la piété. Après, eux, ils osent venir dire que les musulmans, c'est eux les fascistes, alors que ce sont eux les fascistes, puisqu'ils veulent diviser l'humanité selon des frontières qu'ils ont eux-mêmes dessinées, et essayer de prétendre que parce qu'ils sont nés quelque part, ils sont meilleurs que les autres. Subhanallah. Donc, ça, c'est pour montrer hein, comment ils sont stupides de croire ces choses-là. Et même, il y a un des koufars, je me rappelle, il y en a dans la Jahiliya, bien longtemps avant, il y a un de leurs chanteurs qui a écrit en France une chanson qui s'intitule Ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Ils pensent qu'ils sont meilleurs parce qu'ils sont nés quelque part. C'est ça la réalité. Alors que ce n'est même pas eux qui ont choisi. Est-ce que c'est eux qui ont choisi où est-ce qu'ils sont nés? Est-ce que c'est eux qui ont choisi leur langue, leur couleur, leur famille, leur père, leur mère? Hein? Ils n'ont rien choisi de ça. C'est Allah qui a voulu qu'ils soient nés dans cet endroit-là, qu'ils parlent cette langue-là, qu'ils aient cette couleur-là. Rien de, le reste, c'est rien qui, c'est pas eux qui ont choisi ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis chacun dans des situations différentes. Il nous a fait naître dans des lieux différents, dans des familles différentes, pour nous tester, pour nous éprouver, pour voir qui allait être sincère envers lui, qui allait chercher la vérité. Mais pas pour penser qu'un est meilleur que l'autre. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. C'est-à-dire, ô vous les hommes, nous vous avons créé yani d'un homme et d'une femme, et nous vous avons divisé en tribus et en peuples pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres, apprendre à vous connaître les uns les autres. Et il a dit à la fin: le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux, celui qui a plus de piété, c'est-à-dire qui se préserve d'Allah et de son châtiment. C'est ça le but, hein, de tout ça. Sinon, Allah, il aurait pu nous créer tous de la même couleur, tous les habitants de la terre, tous de la même couleur. Il aurait même pu nous donner le même visage, tout le monde pareil. Hein? On serait tous comme des copies, des clones, l'un de l'autre. Il aurait pu faire ça, mais il n'a pas voulu. Il a voulu que chacun soit différent. Un est petit, l'autre est gros, un est noir, l'autre est blanc, l'autre est beau, l'autre est laid, l'autre est intelligent, l'autre est fort, l'autre est faible. Hein? Il a voulu que ce soit comme ça, qu'on soit différent, pour nous éprouver les uns les autres. Pas pour que l'un dise: moi, je suis meilleur que toi. Et au jour de la résurrection, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est pas ces caractéristiques-là. Et on a vu le hadith précédent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, il ne regarde pas vos apparences, il ne regarde pas vos corps, il regarde vos cœurs et vos actions. C'est ça qui va être la différence au jour de la résurrection. Pas d'autre chose. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, et on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته